Ok, F2S, Monsieur 13, volume 2, entre insomnie et dérapage. En ce moment c'est pas la forme, mais j'écris des paragraphes. J'ai rarement vu l'être fort, je voulais ma tête dans les nuages. Je ferme l'œil du côté gauche, la cagée est allumée. Je sors un texte de ma poche, j'ai saccagé les instruments. Je vis caché dans ma chambre, sans ma bande, c'est le drame. Je chante comme un con, sans argent, c'est pas grave. Je reste un peu évasif, je suis isolé dans ma détresse. Tu veux ma place, vas-y, je suis un jeune qui a un mal-être. J'ai besoin de temps pour en parler, la confiance n'a rien à voir. M'en voulez pas quand je m'en vais, dans ma tête y'a rien à faire. Faut travailler pour s'en sortir, la musique c'est un hobby. Rufus m'a dit t'es un artiste, toi la musique c'est ta vie. Moi j'ai foncé, visage baissé. J'ai mis à l'ouest la raison, sourcils foncés, j'ai bossé, je suis un artiste à part entière. Une cicatrice se referme, ma voix cassée donne des frissons. La vie n'est pas un long fleuve, la page tourne encore une fois. Quand j'ai du mal à vivre à l'endroit, j'ai commencé le livre à l'envers. Même dans un rêve, le doute est présentable après les vers. C'est fou sur le présentable. Quand j'ai du mal à vivre à l'endroit, j'ai commencé le livre à l'envers. Même dans un rêve, le doute est présentable après les vers. C'est fou sur le présentable. Quoi ça sert en gros, puisqu'on va tous y passer. Je prends exemple à force, j'ai vu que j'étais pas seul. Il faut suer pour s'en sortir, moi je veux être libre. S'il faut souffrir pour être un homme, alors je dois en être un. La suite approche à grands pas, c'est effrayant. Moi j'ai besoin de F2S pour être au top. Je me contrefous d'être MC, bling bling, j'avoue. Je suis hors catégorie, je me sens plus proche de Aznavour. Pardonnez-moi, j'ai fait du mal, je ne voulais pas. Accordez-moi juste une minute s'il vous plaît. J'ai mis l'amour après mon rap, je suis désolé. J'ai mis un terme à ton bonheur, je suis égoïste. Je voulais un monde tout en couleur, mais il en noir et blanc, parfois j'ai honte maman. C'est la douleur, j'ai vu ta déception. Quand j'ai les mains dans mes poches et pas de taf, je reprends ma vie de zonard entre insomnie et dérapage. Quand j'ai du mal à vivre à l'endroit, j'ai commencé le livre à l'envers. Même dans un rêve, le doute est présentable après les vers. C'est fou sur le présentable. Quand j'ai du mal à vivre à l'endroit, j'ai commencé le livre à l'envers. Même dans un rêve, le doute est présentable après les vers. C'est fou sur le présentable. Quand j'ai vaincu, c'est pas facile à écouter. Pour être au top, moi, j'ai pris du rêve à déguster. Les intérêts sont présents dans mon ensemble. Ma vie m'échappe ce soir, j'écris un nouveau chant. J'ai balancé entre écouter tes réflexions. Quand je déprime, serre tout seul sur la sono. J'ai des valeurs, c'est ma richesse, même à bout de souffle. Soyons des vrais, un peu moins fourbes, kebab tout. Je me suis écroulé déjà, merci autour, y'a des gens. Depuis j'ai changé d'histoire, après la pluie, le beau temps. C'est un peu tôt et pour l'instant c'est un peu flou. Mais peu importe si mon sourire est un peu faux. Et comme on dit depuis le début, l'espoir fait vivre. C'est la famille pour frère de son, mon cœur vibre. On attendait que la raison prenne le dessus. Ceux qui m'aiment savent, je vais monter dans ma descente. Quand j'ai du mal à vivre à l'endroit, j'ai commencé le livre à l'envers. Même dans un rêve, le doute est présentable après les vers. C'est fou sur le présentable. Quand j'ai du mal à vivre à l'endroit, j'ai commencé le livre à l'envers. Même dans un rêve, le doute est présentable après les vers. C'est fou sur le présentable. Quand j'ai du mal à vivre à l'endroit, j'ai commencé le livre à l'envers. Même dans un rêve, le doute est présentable après les vers. C'est fou sur le présentable. Quand j'ai du mal à vivre à l'endroit, j'ai commencé le livre à l'envers. Même dans un rêve, le doute est présentable après les vers. C'est fou sur le présentable.